les Vosges, samedi. Ça lui dit à Hélène Ingré, qui vous livre ses bons plans vosgiens. Ça vous dira aussi à vous, auditeurs des Vosges, samedi, le samedi sur Radio Caraïbes Nancy, 90.7 FM, sur les Grands Nancy, et de 13h à 13h30, et lors de la rediffusion, le dimanche à 6h. Et sur Radio Gemozo, le samedi à 8h30, au 107 FM sur les Grands Remiremont. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour aussi les auditeurs des Vosges samedi. Et oui, dans la foulée du lancement du générique, eh bien, nous allons pouvoir nous entretenir parce que je crois que la période est intense et oui, votre temps est compté. Alors, justement, le temps est compté parce que c'est le compte à rebours avant le 1er juin, puisque cette émission des Vosges samedi va passer donc que les samedis en mai. Eh bien, que va-t-il se passer déjà au niveau du plateau ivre et qu'est-ce qu'est le plateau ivre pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le plateau ivre et son théâtre de verdure? Alors, le plateau ivre, d'abord, c'est le nom de notre compagnie, fondée par moi-même et Pierre-Marie Paturel. Donc, on est une compagnie maintenant avec plus d'une quinzaine d'années d'existence. Très vite, on a choisi de s'implanter sur les Hauts-de-Vosges et puis y mener un vrai travail de terrain. Moi, je suis originaire de Vannier, Pierre-Marie de Bretagne, et on a eu envie avec notre équipe de proposer des spectacles sur ce territoire, mais pas que, proposer nos spectacles, mais pas que non plus, et de proposer toute une programmation de spectacles le temps d'une saison estivale. Ainsi, on a construit il y a 15 ans, car nous allons fêter les 15 ans du Théâtre de Verdure cet été, un théâtre à ciel ouvert qui maintenant comporte un gradin de pierre qui peut accueillir 200 personnes, des scène autour, enfin voilà, ça s'étend sur en gros 2 hectares avec des possibilités de spectacle en déambulation. Et dans ce lieu, tous les étés, on propose une programmation variée, des stages, des ateliers, et on aime bien commencer la saison estivale par vous présenter un peu ce qui va se passer. Voilà, c'est le but d'une présentation de saison. Et justement, cette présentation, alors d'une façon concrète, le 1er juin, les horaires, les prix, comment ça se passe? Alors, le 1er juin, c'est vraiment une soirée où on a envie d'inviter notre public, nos habitués, mais aussi de permettre à un nouveau public de se rendre au Théâtre de Verdure à Vannier. Donc, le 1er juin, la soirée est gratuite sur réservation parce que les places sont limitées. Hein, à un moment donné, on n'a pas d'intérêt d'accueillir 500 personnes au Théâtre de Verdure. Voilà, on est surtout sur des jauges, on va dire, entre 100 et 200 personnes. Donc, la soirée est gratuite. On vous y convie à 18h30. Ça vous permet de vous balader un petit peu dans le lieu, de peut-être réserver vos passes pour toute la saison qui aura lieu après en juillet et août, qui vous donneront accès à tous les spectacles, de vous renseigner sur les différents stages tout au long de la saison estivale. Voilà. Et puis, donc, à 19h, on commence par une petite présentation théâtralisée par notre équipe. Donc, c'est-à-dire qu'on va tout vous raconter sur ce qui va se passer en juillet et en août. La saison commencera à partir du 22 juillet par un stage d'écriture dans un premier temps et un stage de pratique théâtrale dans un deuxième temps. Les stages peuvent être isolés, pris séparément, mais aussi pris ensemble. Et ensuite, la saison se poursuivra jusqu'au 30 août avec une variété de spectacles. Voilà, donc tout ça, on vous donnera tout le détail lors de la présentation du 1er juin. Suite à cette présentation, qu'on essaie toujours assez ludique et festive, on vous proposera un petit apéritif, voilà, un petit buffet apéritif, histoire de grignoter et de partager un verre ensemble. Et ensuite, il y aura des concerts et des spectacles. le concert, c'est le groupe de musique l'ancien Tolstoï, qui propose voilà, une vision assez théâtrale d'un univers musical plutôt rock, qui est un jeune groupe de musique en vogue. Et le spectacle qu'on vous proposera ensuite, un petit peu plus tard parce qu'il faudra attendre la nuit, c'est l'avant-première du spectacle Ma chère et tendre, un spectacle de la compagnie Madame Oldies, un spectacle que je mets en scène et qui est interprété et écrit par Arnaud Mougenot. Voilà tout le programme de la soirée. Et après, ben, n'hésitez pas à prendre sur vous éventuellement votre portefeuille si vous voulez compléter avec quelques bières artisanales, si vous voulez compléter avec une petite tartine, voilà, pour pouvoir profiter au maximum de la soirée. Et une petite laine s'il fait frais. Et de toute façon, voilà, la petite laine, il y a toujours ces magnifiques brasero qui permet aux gens de se chauffer parce que les nuits restent fraîches, quelle que soit la période dans les Vosges, hein, sitôt que le soleil est couché. Et ça permet de discuter avec des personnes ben, voilà, en toute modestie, toute simplicité autour de ces différents brasero. Tout à fait, c'est vraiment ça l'intérêt du théâtre de verdure, c'est vraiment de créer la convivialité autour de l'événement théâtral. Et je crois que voilà, les gens qui sont déshabitués du lieu, parce que je le rappelle, donc ça va faire 15 ans cet été, savent bien pourquoi ils viennent là. Donc voilà, n'hésitez pas à venir découvrir. On vous engage à réserver. Vous avez toutes les informations sur le site internet du Plateau Ivre, www.leplateauivre.com. Voilà, de voir un petit peu ce qui se passe. Je crois que le programme du 1er juin va être très bientôt en ligne. Et puis les petits flyers vont commencer à fleurir à droite et à gauche. Par rapport aux années dernières, on révélait la saison complète avant le 1er juin, on s'est dit qu'on attendait vraiment la présentation, qu'on jouait le jeu, c'est-à-dire qu'on attendait vraiment la présentation de saison pour vous donner vraiment tout le détail de la saison. Voilà, alors, j'avais envie de venir à cette présentation. Alors justement, hormis donc en juillet donc ces stages, la saison, je dirais proprement dite, va commencer à quelle date? Donc ça sera début août. Quelle date? La date est déjà arrêtée? Oui, tout à fait. Alors, on a choisi cette année pour la saison anniversaire de concentrer un petit peu plutôt sous la forme d'un festival, parce que ça fait un long festival d'un mois, mais voilà, d'avoir quelque chose de plus condensé. Plus condensé, on sera sur le 2 août avec les présentations de fin de stage et les spectacles seront du 3 août au 30 août. Voilà. Avec avant donc les stages à l'intérieur du mois d'août, la plupart des spectacles, donc on accueillera des compagnies de Bruxelles, de Paris, du Grand Est. On essaie toujours de valoriser bien entendu nos collaborateurs du Grand Est, parce que voilà, on a déjà la chance d'avoir pas mal de monde sur le territoire, des spectacles pour la famille, des concerts, des courts-métrages, des ateliers aussi à l'intérieur de la saison. Et puis chaque compagnie présente ce qu'on aime de plus en plus faire, c'est justement voilà, les amener à ne pas être que là avec leur casquette de comédien, mais aussi pouvoir nous emmener dans leur univers, nous proposer une exposition en parallèle, un court-métrage. Voilà, c'est pour ça qu'on aime bien recevoir les compagnies quelques jours avant la date du spectacle et après, pour qu'ils puissent nous proposer un petit package, on va dire, de leur univers. Et puis, bien sûr, voilà, une saison festive comme on les aime. Et le 30 août, donc clôture de la saison estivale. Voilà. Alors justement, nous ferons un spécial Les Vosges samedi sur la programmation du mois d'août, parce que déjà, il faudra faire dans la synthèse vu la richesse de la programmation. Mais d'ores et déjà, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des indications de tarifs à la séance ou avec les passes, par exemple, pour cette saison donc de 15e anniversaire? Oui, alors les places de spectacle, on essaie de rester sur des tarifs corrects. On est aux alentours de 10 euros. Et puis, bien entendu, les passes saison vous permettent d'accéder à tous les spectacles. Et à partir de 3 spectacles, ça devient intéressant. Donc vraiment, voilà, faut pas hésiter. Les stages, on essaie de pratiquer aussi des tarifs attractifs avec des passes offerts pour les stagiaires. Pour les stagiaires enfants et adolescents, on prend les cartes ZAP qui sont du département des Vosges, mais voilà, ça peut concerner aussi des gens partout. Voilà, on se bat pour garder une politique tarifaire cohérente. Et puis, en plus du spectacle, ben pour ceux qui ne connaîtraient pas le théâtre de Verdure, c'est aussi un dépaysement complet. C'est la magie dans le spectacle, le spectacle dans la magie de la forêt vosgienne à découvrir. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on aime, et les gens aiment ce lieu atypique qui est très beau. Et même les gens du coin, en fait, se sentent très, très vite dépaysés. Voilà. À l'intérieur de la saison aussi, on crée encore des autres dépaysements, vu qu'on a aussi des déambulations qui vont se passer dans des villes voisines du théâtre de Verdure ou dans des coins un petit peu ailleurs, pour justement aussi que le théâtre vienne aux spectateurs et leur donner envie de venir après dans notre théâtre de Verdure, perché sur les hauteurs de Vanier dans le secteur d'Invillers. Et puis aussi, nous aurons des décentralisations dans les cours de ferme. C'est un dispositif qu'on met en place assez fraîchement. Il s'agit donc de proposer un spectacle. Ce sera le spectacle Case Départ, qui est un voyage vers la sobriété énergétique, technologique, alimentaire et vers le réemploi, qui porte donc tout son sens d'être proposé chez des producteurs locaux. Donc il reste encore quelques places à pourvoir. Des agriculteurs ou des producteurs ont envie encore de postuler pour avoir la chance peut-être d'accueillir le spectacle Case Départ dans le cadre de la saison estivale en décentralisation, c'est possible. Voilà. Eh bien, l'appel est lancé. Et puis, eh bien, grand merci Hélène. Et puis, avec tous les artistes qui sont dans cette compagnie Le Plateau Ivre. Et on se donne rendez-vous donc pour une présentation intégrale, on va dire, de la programmation de l'été 2019. Avec peut-être aussi des tas de surprises que ben, vous nous dévoilerez à ce moment-là. Eh ben, avec grand plaisir. Merci. Et on va justement commencer notre programmation musicale avec un groupe qui va se produire au camping de Vanier. J'en parlerai davantage parce que justement, il se trouve qu'on peut aussi camper à Vanier, donc de passer plus d'une journée sans beaucoup bourse déliée, culture et plus si entente. Merci encore à vous. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Allez patron, mets-nous la même. Il faut qu'on retourne tanguer ce soir. Cette nuit on veut claquer sur scène. Morpilo est complètement noir. La piquette c'est pas du Pétrus, mais elle est bien plus généreuse. Elle nous fait rencontrer Vénus. Chaque fois qu'on voit le cul de la serveuse, à force on a les lèvres toutes fumées comme les doigts après un bon bain. Et quand il s'agit d'aller jouer, on a les dents comme un clavecin. Quand on a le palais rempli de poussière, suffit de commander une mousseuse. Et te voici dans un éclair-bloc accroché à la tireuse. La petite sœur, ça sonne comme un clair. Quand on gueule aux oreilles du patron, la petite sœur, je crois bien qu'on savait le dire, bien avant qu'on nous apprenne à lire. Aïe patron, mets-nous la même. Ce soir on t'emmène en voyage. Tu peux jeter les clés de ta BM. On va te faire voir du paysage. Un, deux, trois ou peut-être quatre accords. Un peu bancal vu notre état, mais au moins ce sera plus raccord. Avec les paroles qu'on chantera. Et si on a des doux, c'est pas grave. On sait bien que tu les combleras avec un bon petit code de grave. Ou bien alors une petite vodka. Et si jamais on périclite, t'inquiète, on continue à jouer. Car c'est pas la mort ni la cuite qui nous empêcheront d'avancer. La petite sœur, la petite sœur, la petite La petite sœur, bah on va t'en prendre une. C'est pas ce soir que tu vas faire fortune. Allez allez pas tromper, nous la même. Mais cette fois-ci sans les grumeaux, tapis crade, c'est tout un poème. Mais pour le slip c'est pas un calot. Ouais c'est pas grave, nous on s'en fout. On est des vrais aventuriers, on avancera, ouais jusqu'au bout. Même s'il faut faire le reste à pied, on explorera le bout du monde sans passer à port du bistrot. Avec un rhum et une Macmon, et puis on inventera les mots. Je pourrais, s'il vous plaît. Je baisse mon bourrelet, je reprends un peu de picon. La petite sœur, ça sonne comme un clairon quand on gueule aux oreilles du patron. La petite sœur, je crois bien qu'on savait le dire bien avant qu'on nous apprenne à lire. Allez patron, mets-nous la même. La dernière, il faut qu'on s'en aille, parce que c'est pas le tout, mais quand même ici on a toujours un travail. Allez gros, torche ton verre, moi demain je me lève à 8h. Oh tu vas pas faire comme hier. Reprends plutôt la petite sœur. Bon ouais, d'accord, mais une petite, parce que je commence à être rogné. Tu vas pas faire ta petite bite. Bah qu'est-ce qu'on va te donner? Ok mais après ouais je paie la mienne. Je serai que tu vas écoler. Ouais laisse tomber, c'est plus la peine. C'est pour rester si je vais te coucher. La petite sœur, la petite sœur, la petite sœur, la petite sœur, la petite sœur, la petite sœur, la petite sœur, bah on va t'en reprendre une, mais sur l'ardoise, parce qu'on n'a pas une thune. Salope de petite sœur, on était juste venu faire coucou. Et puis nous voilà, pas d'heure à faire le retour à genoux. La moralité de cette histoire, c'est que quand tu commandes à boire, éloigne-toi vite du comptoir avant que la petite sœur vienne te voir. La petite sœur, à la salope, il faut voir comme elle te chope. La petite sœur, elle fait mal à la tête, malgré ses airs de fillette. La petite sœur, la petite sœur, la petite sœur, la petite sœur, la petite sœur, la petite sœur, la petite sœur, la petite sœur, la petite sœur, la petite sœur, la petite sœur, la petite sœur. On sera jamais rentré à l'heure. La petite sœur, la petite sœur, vous, vous allez pouvoir le voir, les voir tous hein, d'ailleurs, à la grande fête de la Quiche Festival. C'est le samedi 11 et 12 mai, c'est à Vanier, au camping de Mété. Alors Mété, ça s'écrit M-E-T-E-Y. Oh, il y a une navette depuis le centre de Vanier, mais à vrai dire, c'est 1 ou 2 kilomètres, hein, vous faites ça gentiment à pied. Alors la programmation du samedi 11 mai, donc le samedi 11 mai, donc le concert est payant, enfin les concerts, c'est donc 13 euros en prébande, sinon 15 euros sur place. Et donc Polo et Pauline, ensuite à 19h la petite sœur, 21h Camisella, 21h30 Maggie Ball et Camisella, 23h30 David Vincent, et on termine à 1h du matin Raymond Court toujours. Le dimanche 12 mai, donc ouverture des portes à 10h30, dès 11h30 Guinguette en famille, animé donc accordéon musette, et puis à 14h élection nationale de Mr Quiche, inscription sur place dès 11h30, originalité conseillée, le jury est difficile. L'après-midi, c'est à 15h30 Muriel d'ailleurs, c'est une chanson franco-belge, et 17h30 les frères Lapoisse. On continue plein d'autres choses, bien entendu. Pour en savoir davantage, eh bien, vous pouvez aller sur le site, d'une part, tout simplement, l'usine du Moulin, puisque c'est présenté ce festival par l'usine du Moulin. Vous pouvez aussi voir avec, justement, l'after party, c'est à l'Estaminet à 19h30. Hein, c'est donc le bar qui est au cœur même de Vanier. Bonjour Rudy, par les ondes. Donc l'usine du Moulin, eh bien, c'est eux qui présentent ce festival du 11 et du 12 mai. Ils nous proposent de nous retrouver également le dimanche 19 mai au Val d'Ajol à partir de 10h30. Il y aura les Ramoneurs de Menhir, et c'est donc avec beaucoup beaucoup de choses, pique-nique partagé, jeux collectifs, flamencuche et bonne bière. Et donc pour plus d'informations, l'usine du Moulin, et puis début des concerts dès 10h30. 18h. C'est au Val d'Ajol, à la brasserie du Roulier. Voilà, à consommer avec modération pour ce qui est de la bière, pour la musique sans modération. Et nous continuons justement. Raymond Court toujours. Bon, allez, c'est un morceau qui peut théoriquement passer sous nos antennes et sur les antennes parce que les autres, ben c'est pipi, caca, zizi, etc., etc. Et encore, je vous ai fait la version censurée de Raymond Court toujours. Bonjour à vous braves gens, va vous raconter quelque chose de marrant. C'est l'histoire d'un breton vosgien, pas de papier, c'est pas commun. Ce gars-là cultive la terre, il est recueil de la pommière. Ouais, ça plaît pas à tout le monde, alors là Raymond, il gronde, il gronde, il gronde, il gronde Raymond. Il gronde Raymond, il est pas content. Raymond, on court toujours. Après les meufs et les pilous. Raymond, on court toujours. Entre Brigno et Raymond court. Raymond, on court toujours. Voilà, après la bonne Mirabelle. Raymond, on court toujours. Allez Raymond, vas-y. Il est allé voir son médecin qui lui a parlé du diabète. Lui a dit arrête le vin, alors il s'est mis à fumer des gros pètes. Mais comme chaque matin il avait toujours la moquette, il s'est remis à boire du vin et alors là, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette, c'est super chouette. C'est chouette Raymond, il est content. Raymond, on court toujours. Après les meufs et les pilouses. Raymond, on court toujours. Entre Brio et Raymond court. Raymond, on court toujours. Après la pointe Mirabelle. Raymond, on court toujours. Oh les Raymond, vas-y. Rencontrer une grosse mytho. Il a voulu être romantique, mais c'était plutôt pathétique. Quand il a eu tout essayé et que rien n'avait fonctionné, il s'est remis à boire du vin et il s'est tapé à 5 contre 1. À 5 contre 1. Une bonne bignole. Et encore une fois il a gagné. Raymond, on court toujours. Après les meufs et les bignous. Raymond, on court toujours. Entre Brigno et Raymond court. Raymond, on court toujours. Après la bonne Mirabelle. Raymond, on court toujours. Allez Raymond, vas-y. Yeah. Oh le cul. Allez, Raymond court toujours donc le 12, le samedi 11 juin, mai. Bah ça sera le 12 hein, puisqu'il passe à 1h du matin, donc on est déjà le dimanche 12 mai à Vanier dans le cadre de la grande fête de la quiche. Allez, quelques dates pour justement les semaines et les mois à venir. Eh bien, d'une part, le 1er et le 2 juin, il y a donc à Nancy, Vent de Bure. 1er 2 juin, Vent de Bure contre la poubelle nucléaire. Atelier Bal Manif. Pour en savoir davantage, vous pianotez ventdebure.com et un numéro de téléphone. Alors, .com d'une part, et puis j'ai aussi ventdebure@risup.net. Un numéro de téléphone 06 50 69 72 61. Je vous le fais à la belge. 06 50 69 72 61. Et puis également, donc, les dates en juillet, du 21 au 22 juillet, le halage du débat. Ils partent de Trèves jusqu'à Bure, le long donc de la Moselle. Qui prend sa source d'ailleurs, qui prend sa source à Buisson, eh oui, la Moselle. Eh bien, c'est avec notamment les buralleurs. On voulait pas sympa, on vous fait une petite programmation de la fête de la quiche là. Avec, et donc, le 9 et 10 août, bon, on voulait passer à un autre moment, les buralleurs. Hein. Le 9, 10, 11 août, les burlesques. C'est donc 3 jours, un festival de résistance à côté de Bure. Allez, on continue sur la programmation donc de Maggie Ball. Eh oui, c'est de cette circonstance. Maggie Ball qui sera au fait de la quiche le samedi à 21h30, le samedi 11 mai. Il arrive, il vient nous le déplacement pour nous. Fini le temps des idées noires, y'a le président qui vient chez nous. Youpi! Les hommes sont sur leur 31, ils ont fait copain avec les keufs. Les femmes ont usé leur shampoing, sont belles comme des camions tout neufs. Elles ont passé leur matinée à mijoter de petits plats au cas où sa sainte majesté désire déjeuner sous leur toit. Les vieux ont sorti leurs médailles et remué leurs souvenirs, comme quand le général se faisait applaudir. Mais c'est pourtant pas aux vieux singes qu'on apprend à faire la grimace. On ne mélange pas le beau linge avec des torchons pleins de crasse. Une fois encore, la cour royale ne se laissera pas emmerder par des prolétaires qu'on la dalle, des SDF en liberté. Qu'ils soient pour les verts ou les bleus, impossible pour eux d'approcher le plus grand des petits nerveux au milieu de gorilles armés. Car même en montant sur des marches, on ne pourrait pas voir sa tête. On ne remplace pas des échasses par de simples talonnettes. Mais si mon petit chéri, il est venu le président, mais tu sais, c'est normal que tu l'aies pas vu, hein. Tu vois même Gérard qui est grand, hein. Ben lui non plus, il l'a pas vu, hein. Oui, on ira le voir quand tu seras plus grand, oui, on ira au Panthéon. Si tu seras plus grand, mon chéri, non, arrête de pleurer, je te promets que tu seras plus grand. Oui, on va lui donner de la soupe au président, on va lui donner beaucoup de soupe. Car même en montant sur des marches, il ne pourrait montrer sa tête. On ne remplace pas des échasses par de simples talonnettes. Maggie Boll, ah bah ça serait aussi valable pour un président que je nommerai point, qui est tout à fait hors sol. Allez, alors lui, c'est des échasses, il est vraiment hors sol. Et donc, bah bientôt, les élections européennes. Hein, si la Coupe d'Europe de foot était comme la fiscalité en Europe, ça signifie que certains seraient autorisés à ne jouer qu'avec les pieds, d'autres avec les pieds et les mains, et le Luxembourg, entre autres, bah, aurait droit en plus au coup de boule. Allez, ben oui, parce que le système fiscal, alors que c'est le nerf de la guerre, 100 milliards d'évaporés pour les services publics des différents pays européens, et ben voilà, avec la bénédiction de ceux qui ont mis 7 euros plat en place. Alors, si vous voulez en savoir davantage, ben là où est l'argent, hein, c'est donc fait par Maxime Renat. R-E-N-A-H-Y. Il est passé sur France Inter le samedi 13 avril dans Secret d'Info. C'est un interview d'une meilleur qui est particulièrement instructif, comme l'est son bouquin « Là où l'est l'argent », hein, donc qui parle des paradis fiscaux à l'intérieur de l'Europe, avec la bénédiction de la nomenclature européenne. Et son livre, c'est préface d'Eva Joly, et donc à l'édition Les Arènes, là où est l'argent. Et nous, on continue avec, eh bien, on va même non seulement continuer, allez, exceptionnellement, je ne vous passerai pas que les beaux gènes sont belles de Dominique Walter. On termine avec la programmation que je vous ai concoctée pour vous, auditeurs des Vosges samedi. Première diffusion le 11 mai, ensuite rediffusion au fil de ce mois de mai. Eh bien, ça sera avec David Vincent, animateur d'ailleurs sur RCN dans Émission Censurée. Eh bien, David Vincent, ah oui, qui nous souhaite un bon anniversaire. Et nous, on souhaite aussi à nos deux techniciens et techniciennes, à savoir Thomas pour RCN et Lia pour RGM. Et à vous aussi, bon anniversaire! Ouh. Ça va, tout le monde est encore vivant? Excusez-moi, mais pas de la merde. Eh le dame, eh le dame. Fais gaffe. Le dame, j'ai 18 minutes de retard là. Oui, j'ai plus le temps après de souhaiter joyeux anniversaire au Baldo, alors je lui offre mon sifflet. Ah, comme super. Ça, j'arrête de casser les couilles aux gens. Eh ben oui, c'est l'anniversaire de Baldino ce soir. Jamais, c'est maintenant. Il fête ce soir ses 28 barreaux. Yeah. Super. Allez. Joyeux anniversaire, Baldo. Joyeux anniversaire. anniversaire, Aldo. Joyeux anniversaire. Je suis tout ému.